On va parler d'hockey senior. On sait que la Ligue senior régionale ou la Ligue senior au fleuve, tiens, du lac au fleuve, va ouvrir ses activités le 13 octobre prochain. Donc, ce sera le premier match, un match historique certainement. On va parler cette semaine avec l'équipe de Dolbeau, mais il y a également l'équipe de Jonquière qui est dans la région, qui va être une des deux équipes de la région. Question de savoir un peu comment que ça avance. On sait qu'il a été nommé cet été comme entraîneur-chef. Mais depuis qu'il y a eu l'annonce, certainement qu'il se passe beaucoup plus de choses. On parle avec l'instructeur-chef Gino Gagnon. Salut Gino. Salut Danny. Gino, comment ça va d'abord avec la nouvelle équipe de Jonquière? Est-ce que du côté des joueurs, d'abord, comment elle va s'appeler l'équipe? Ben, jusqu'à présent, Danny, là, je vais être très transparent avec toi. Là, on est en négociation très sérieuse avec un commanditaire. Malheureusement, il n'y a rien de réglé. Ça fait qu'on ne peut pas commencer à dire le nom parce que je vais laisser ça à Bob de le faire parce que c'est lui qui s'occupe de ça. Fait que, tant et aussi longtemps que la commandite n'est pas réglée, que c'est pas signé, je m'autant pas m'avancer par respect pour eux autres et par respect pour mon commissaire. Ben oui. Fait que, mais c'est certain que du côté de moi, parce que moi, je vais surtout m'occuper du côté hockey. Puis OK. présentement, ben, je suis dans mon cahier de gestion. Je regarde un peu comment que je vais organiser mes patentes. Après ça, j'ai commencé à parler avec quelques joueurs. Mais les joueurs, je vais donner vraiment là, un gros boom là, à partir de la semaine prochaine. Là, je vais commencer à donner un gros boom parce qu'il faut quand même que je règle mon banc là, concernant les entraîneurs. J'ai Jean-Philippe Boivin, là, mon homme de confiance. Écoute, Jean-Philippe, ça fait 10 ans que nous sommes ensemble. Fait que lui, c'est réglé, il va s'occuper de mes défenseurs. Maintenant, il me reste deux autres personnes à rencontrer. Encore une fois, par respect, je ne les nommerai pas. C'est deux bonnes personnes. Je les rencontre cette semaine. Ça fait qu'un coup que ça va être réglé, je pense que vous allez le savoir par communiqué. Un club de hockey, Danny, c'est beaucoup d'ouvrages. Là, présentement, on est en train de regarder aussi pour les heures de glace. Si ça va bien, puis si c'est comme on veut, on devrait débuter le 23 septembre. Puis quand les joueurs vont arriver, ben faut être prêt. Fait que moi, dans mon cahier de gestion, je vais expliquer un petit peu le déroulement du camp d'entraînement, c'est quoi la ligue, tu sais, pour rassurer les gars. Parce que quand Ouais. ils vont arriver, c'est un peu comme un début. Les gars ne savent pas. Fait qu'on va les rassurer pour avoir un bon début. Un coup que les gars vont savoir comment ça fonctionne, ben on va y aller. Puis on va avoir du plaisir. Puis j'ai bien hâte que ça commence. Ben oui, les joueurs, moi j'en entends parler, les joueurs et ainsi de suite, je pense qu'il y a quand même pas mal d'enthousiasme. Tu sais, tu as dit, je ne me suis pas mis vraiment dans les joueurs, mais je vais m'y mettre très très bientôt, là. Mais moi, ici à Dolbeau, je sais qu'il y a un enthousiasme. Est-ce que c'est la même chose à Jonquière? Moi, je sens un petit peu l'enthousiasme aussi là, du côté des médias sociaux. Je regarde ça, je regarde filer ça, puis ça se parle beaucoup. C'est comme je te dis, tu sais, nous autres, étant donné que les joueurs ne sont pas payés, on ne peut pas arriver et dire on a signé un tel. Il faut dire OK. qu'ils acceptent de se joindre avec nous autres. T'sais, c'est pas pareil comme dans la Ligue nord-américaine ou la Ligue de la Mauricie. Par contre, nous autres, on doit aussi, c'est ça que j'explique au monde. On doit avoir notre identité. On n'est pas là pour compétitionner contre les autres ligues. Il faut que nous autres, on soit à part, qu'on ait une identité unique, qu'on soit à part, qu'on ne soit pas pareil aux autres non plus, là, tu comprends? Ouais. Et quand je regarde au niveau des salaires, tout ça dans les autres ligues, ben nous autres, le gars qui va venir jouer, là, c'est quand on regarde qu'un gars, ça doit coûter à peu près 1 000 $ par saison pour jouer dans les ligues de garage. T'sais. Donc, en partant, il va faire 1 000 $. En fait, je pense pas que ça devienne un gros problème, mais il va falloir gérer ça aussi également, là. OK. Est-ce que, mais vous autres à Jonquière, il y a quand même une offre vraiment exceptionnelle, là. Tu veux dire, il y a les Marquis, il y a également les Saguenay qui sont là, il y a également les élites, donc, et toutes les autres petites ligues également, là. Ça doit être un problème, à quelque part. Tantôt, il faut créer notre identité. OK. Il faut avoir un produit qui n'est pas pareil comme les autres. OK. Fait Ouais. que, dans le fond, comme moi, là, au niveau de ma philosophie, de ma mission de jeu, je veux créer une équipe avec un esprit d'équipe de béton, si on veut, puis je veux que les gars travaillent. Fait que si les gars sont à l'ouvrage sur la glace, puis qu'on donne un bon spectacle, je pense que les gens vont venir. Je ne suis même pas inquiète là-dessus. Moi, je les ai au début. Si on a une assistance de 500 personnes, de 300 à 500 personnes pour commencer, Écoute, Gino Gagnon et l'organisation vont être très, très contentes. Tout va dépendre du spectacle sur glace. Veux dire, les acteurs, ce sont les joueurs. C'est ça que je vais parler aux joueurs. Je veux dire, les gars, notre mission cette année, là, nous sommes comme des pionniers. On commence. Là, donc, il va falloir donner un bon show. Puis, écoute, je ne suis pas inquiète là-dessus. En tout cas, moi, de mon côté, je vais en donner un. Ça va être à moi de convaincre mes gars qu'il faut se battre à tous les soirs dans le sens de donner un bon spectacle au niveau du hockey. Je n'ai pas de problème que tu vas voir, Danny, là, je mets pas d'argent sur la table, là, mais je peux te dire que les Aranas, là, dans les séries éliminatoires, je suis certain qu'ils vont être remplis. De toute façon, ils sont remplis au hockey mineur. Pourquoi ils ne seraient pas remplis au hockey senior? Oui, c'est sûr. Puis, tu sais, il y a quatre équipes. Il faut que tu regardes aussi. Il y a quatre équipes. Il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais Gino, il n'y en a pas gros. » Si on regarde le positif, t'as quatre équipes. Hey, imagines-tu la rivalité qu'il va avoir cette année? Ça va te l'enfer. Moi, je crois beaucoup à ça. Puis les gens, comme tu dis, sont enthousiastes. Fait que si Adelbeau sont enthousiastes, partout, là. Non, mais Adelbeau, il n'y a pas autant d'offres qu'il y a au Saguenay, par contre. Tu sais, veux dire, c'est ça la différence. Puis c'est un petit marché, fait que... C'est peut-être un petit peu plus difficile, mais tu veux créer ta propre identité. Les bagarres, quelque part, là, les bagarres dans la Ligue nord-américaine, il n'y en a pas. Donc, tu veux créer ta propre identité, tu n'as pas le choix d'amener les bagarres. Puis ça, Bob, ça n'est pas caché non plus. Là. Il a dit, regarde, je suis pas si négatif que ça envers les bagarres. Là. Ben moi, je vais t'expliquer un petit peu comment je vois ça. Les bagarres. Ouais. C'est certain qu'à un moment donné, il va y avoir une coupe de claques sur la marboulette. Ça, c'est sûr et certain. Mais Gino Gagnon, c'est un enseignant en éducation physique pour la commission scolaire de la Jonquière. C'est sûr que Gino Gagnon, il n'ira pas en arrière du bain pour vider le bain et donner un show de bagarre. C'est pas ça qu'on veut. Là. Moi, j'ai commencé à discuter avec certains hommes qui détestent pas lâcher les mitaines. Là. Ouais. Ce que je leur expliquais, c'est que mes hommes forts, là, il faut qu'ils savent jouer au hockey. J'irai pas habiller un joueur qui a de la misère à patiner, là. Ils veulent pas danser, mais on va jouer au hockey. Mais par contre, les hommes forts vont être des hommes d'énergie, vont être capables d'amener de l'émotion aux gars, vont être capables de donner des mises en échec légales. Donc, avec leur vitesse puis leur intensité, ils vont motiver mes gars. Parce que moi, Gino Gagnon, c'est un gars qui veut gagner des matchs. Là. Il veut pas créer la WWF. Tu sais, c'est un peu ça, le fort de notre propre identité. Sans avoir de bagarre puis de n'avoir, est-ce qu'on peut avoir la Ligue du lac aux fleurs? Est-ce que la Ligue peut avoir un juste milieu dans ça? Ouais. Tu comprends? Parce que Gino Gagnon, ils vont voir des games seniors. J'ai vu l'année passée la Ligue de la Mauricie. J'ai vu la Ligue nord-américaine. Puis un très beau spectacle en passant pour les deux ligues. Mais c'est à nous autres de créer notre identité. Mm. Puis nos joueurs, là, mes joueurs, mes hommes forts, comme on dit, là, si je réussis à en avoir, mettons, là, parce que là, il n'y a rien de réglé encore, mes hommes forts doivent jouer au hockey. Ouais. Doivent aider l'équipe à gagner des matchs. Je sais qu'il n'y a pas de salaire, mais à quelque part, c'est pratiquement inévitable. Il y a des gens qui vont s'essayer. Puis il y a quelqu'un qui me dit, moi, un homme fort, c'est sûr qu'il n'ira pas se faire péter la gueule pour du bénévolat. Quelque part, il y en a qui doivent s'essayer un peu, là. Ben écoute, ça, moi, j'ai vraiment le bon rôle dans ça. OK. Ouais. Course. C'est bon, puis tu vas régler ça. Ah oui, c'est clair. Moi, je m'occupe vraiment pas du côté... Donc, c'est Bob Desjardins, gestionnaire. C'est lui qui va être prêt avec ça pour essayer de vendre l'idée. Puis moi, de mon côté, c'est certain que je vais aider mon commissaire aussi, là. Je vais faire comprendre aux gars, là, que, tu sais, vous êtes important dans le club, puis tout ça. Puis là, tu vas jouer à Mauricie, calcule tes dépenses. Puis, tu sais, il veut dire, il y a plein de choses à regarder. Mais comme je te dis, je vais m'occuper des choses que je contrôle. Ça, c'est des choses-là. Le montant qu'on commence tranquillement... par petits pas, ben oui. Qu'on finisse en force, donc arriver, puis commencer en grain, puis arriver aux fêtes, bien là, on n'a plus de jus, là, tu comprends ce que je veux dire? Effectivement. C'est sûr que, Danny, tu vas avoir plein de petites choses qui vont arriver cette année. Et c'est comme je te dis, nous sommes des pionniers, donc on doit prendre ça faut relaxer, faut analyser chaque situation, prendre les meilleures décisions pour la Ligue. À partir de là, un coup que la Ligue va être partie, là, ça va être facile à s'ajuster. Là. OK. Là, les matchs vont jouer où? Palais des sports, foyer des loisirs, c'est où en fait? Là? On va jouer au foyer des loisirs. OK. Au foyer des loisirs, les matchs vont avoir lieu le samedi ou le vendredi. OK. Ça, ça va être là que ça va jouer. Puis petit aréna, donc en partant, t'as de l'émotion. Moi, je me rappelle du temps des Condors, j'ai à des matchs. Puis j'ai même, dans ce temps-là, quand je coachais dans la Ligue semi-pro, j'étais au Palais des Sports. C'est vrai, je peux pas te donner cette comparaison-là. Mais lorsque j'étais au foyer des loisirs, je peux te dire qu'il y avait 1000 personnes dans la baraque, puis c'était plaisant à voir. OK. Au niveau de l'aréna, là, je suis vraiment satisfait au foyer des loisirs. De toute façon, au foyer des loisirs, j'ai eu la chance d'être au programme de la structure au niveau du Bantam 2A. Ça fait 3 ans que j'étais là. Ça fait que j'étais très habitué. Puis les gars là, à Jonquière sont habitués de jouer là. Puis c'est une très belle aréna. Je suis excessivement satisfait de l'emplacement de ce qu'on va jouer. OK. Hey, dis-moi, parle-moi maintenant du côté des joueurs. Tu vas l'inviter combien? Ben écoute, moi là, ce que je vais faire, là, je vais lancer une invitation aux joueurs. Okay. C'est certain que nous gagnons à partir, comme je t'ai dit, je vais quand même aller voir, je vais aller tâter le terrain pour voir combien on va en avoir. Mais j'aime autant pas mettre de chiffres, je me crée pas d'attente, parce que je peux être déçu, tu comprends? Ouais. Fait que s'il y a plus de joueurs, c'est sûr que j'ai une attente. Je pense que je l'avais dit à Michel Tifot au 92.5, je m'attendais en 20-30 joueurs. Okay. Si j'en ai 35, bravo, on a fait la job. Mais je peux te dire que présentement, tu parlais d'enthousiasme tantôt, sur les médias sociaux, je vois un petit peu d'engouement, puis je m'attends à voir des joueurs au camp d'entraînement, là. OK. Et, écoute, mais malheureusement, je peux pas te donner de chiffres. Je pourrais peut-être te donner un chiffre la semaine prochaine, parce que je vais commencer à rencontrer les gars, mais c'est embêtant de donner des chiffres. On se crée des attentes, des fois, on est déçus. Ça fait parler les gens aussi, tu sais, veut dire, ils ont dit qu'elle allait avoir 40 gars, puis il n'y a pas 40 gars, tu comprends? Ouais. Fait que là, j'aime autant y aller plus simple, okay, et pas être déçu, y aller petit pas par petit pas pour arriver, comme je te dis, là, bâtir un bon club, puis donner un bon spectacle pour la Ligue, puis ça va être mission accomplie pour Gino Gagné. Ben, effectivement. Il va y avoir un repêchage spécial également le 12 septembre pour les joueurs qui n'ont pas été repêchés, qui sont du Chicoutimi, Labbé, qui ne sont pas dans votre territoire, là. Comment tu fais pour vraiment faire du dépistage? Est-ce que tu les connais, les gars? Comment ça va marcher pour faire un bon repêchage? Ben moi, de mon côté, j'ai la chance, au niveau des gars du Saguenay, de les connaître beaucoup. J'ai fait beaucoup de hockey mineur. Ça doit faire une vingtaine d'années que je suis dans le domaine. Là. Fait que j'ai la chance de connaître beaucoup de hockey mineur. C'est sûr qu'on va s'informer aux gens aussi qui l'ont fait. Parce que quand je fais du dépistage comme ça, je prends beaucoup d'informations. Puis j'ai la chance aussi, mon commissaire est proche. Ouais. Mon commissaire, c'est certain que je vais être transparent avec tout le monde. Là. Si je lui pose pas une question, coudon, Bob, t'avais un tel, comment qu'il était là? Je suis un petit peu dans le coup de pas m'en servir. Mm. Fait que du côté du dépistage, je suis vraiment pas inquiète. Je peux me servir aussi de mes connaissances au niveau du hockey. Je connais beaucoup de gens là, au niveau de la région là, pour m'aider au niveau du dépistage. Puis j'ai la chance aussi, il faut le dire, j'ai la chance de diriger mon fils. Ouais. Mon fils a joué junior. Mon fils joue dans la Ligue de la Mauricie, là, qui a changé de nom. Là. Mm. Fait qu'il connaît beaucoup de monde également. Okay. Fait que je suis vraiment là, je suis pointé. Et j'ai mes adjoints là, que quand ils vont joindre avec moi, là, écoute, on n'est pas piqué d'un verre. Là. J'ai Jean-Philippe Boivin là, qui fait du dépistage aussi depuis un bon bout de temps. Puis les deux personnes qui vont probablement se joindre à moi là, connaissent les gars. Fait qu'on fait un travail d'équipe là-dedans. Puis je suis pas inquiète du côté de Chicoutimi puis Labbé, là. C'est mon point de pays. Là. Je suis vraiment pas inquiète là-dedans. OK. Dernière question au niveau. Je sais que c'est pas vraiment ton dada, mais à quelque part, tu es dans l'organisation quand même. Comment vous allez faire la promotion? Ben écoute, la promotion, là, on est en train présentement de trouver un commanditaire majeur. On est très avancé dans le dossier. Je vais laisser étant donné que c'est Bob qui s'occupe de ça, je vais laisser le temps de régler ça puis d'annoncer l'annonce quand que ça sera fait. Un coup que ça va être fait, ben on va faire les annonces puis on va commencer à mettre toute la mise en marché là-dedans. Là. OK. Il faut commencer tranquillement. On parlait peut-être de billets de saison, mais je suis pas certain qu'on va mettre des billets de saison. Ouais. Peut-être donner des cartes, là, tu sais. Tu sais, faut pas que ça soit compliqué, Danny. C'est la première année. C'est sûr que c'est la première année, donc ça s'est fait... Faut pas se prendre pour la Ligue... Une ligue, là, tu comprends ce que je veux dire? On commence, on va commencer tranquillement. Tu sais, dans le fond, si on donne un bon spectacle, les gens vont venir. Mm. Que t'aies un billet de saison, que t'aies un petit ticket d'entrée. Là, je suis allé au Voyageur en fin de semaine, là. puis j'avais un petit billet de moitié-moitié pour rentrer. J'ai bien aimé ma game pareil. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Fait que c'est ça. Faut commencer petit pas par petit pas. Ça, là-dessus, là, j'ai entièrement confiance en l'organisation. Ben, si Bob Desjardins fait... Si Bob Desjardins n'est pas capable de réussir du senior, il n'y a pas grand monde qui va réussir. Il y a des gens qui se sont essayés. Marcel Maltais s'est essayé. Voulin, je pense que Marcel, j'ai souvent dit qu'il était un petit peu dépassé et que c'était ça peut-être été qu'il laisse la place à un autre. Mais je pense que s'il y a un gars qui peut réussir, c'est Bob Desjardins. Fait que d'expérience dans le domaine. Ouais. Puis il est respecté également au niveau des joueurs. J'ai eu la chance de le voir. Donc, s'il y a un gars qui peut réussir, c'est Bob Desjardins. Oui, Bob va réussir. Puis, je reviens à M. Maltais. Moi, j'ai énormément de respect pour M. Maltais aussi. Je l'ai connu aussi dans le Sauf que peut-être à un moment donné, c'est le temps de le... Quand c'est le temps de laisser, à un moment donné, il faut que tu saches savoir laisser aussi. Parce que le problème, je pense que dans le temps, c'est j'osais justement avec un ancien actionnaire d'une équipe au lac la semaine passée quand je suis allé faire des évaluations de joueurs au niveau mineur. C'est l'argent. C'est ça qui a coulé la ligue. Ouais. Si les gars... Tu sais, je veux dire, tu sais, la ligue, là, même n'importe quelle ligue, là, que ce soit la Ligue nationale, la Ligue des babouches à Saint-Élie-de-Torion, ouais. La ligue, là, Danny, c'est une histoire de groupe, c'est une histoire d'équipe. Si les gars, on se parle et on dit « OK, on va arrêter de demander des salaires de fou on va jouer selon les normes de M. Bob Desjardins », ils n'auront pas de problème. C'est ça la nerf de la guerre, c'est l'argent. Fait que c'est ça qui coûte cher. Fait que c'est sûr qu'avec des petites organisations, on commence à payer les gars. Oublie ça, là. On ne durera pas. Non, effectivement. On fait ça pour les gars qui sortent du junior 2A. Des gars qui ont fait du junior majeur, mais malheureusement, pour des raisons professionnelles, ne peuvent pas aller dans la Ligue nord-américaine, parce qu'il ne faut pas se le cacher, la Ligue nord-américaine... Qui reste très fort. Les gars, là, c'est rendu des pros, là, tu sais, les gars, ils ont joué pro, tu sais, c'est plein mais gang, là, comprends-tu? Puis j'y connais, tu sais, j'ai eu la chance aussi de coacher des gars, là, j'ai quasiment coaché une coupe de clubs junior majeur depuis dans l'hockey, là, tu sais, un gars de 30 ans, là, qui joue dans les ligues de garage, ça y tente encore de jouer du hockey sérieux. C'est chez nous que ça va se passer. Oui, effectivement. C'est en masse des gars de même. Oui, effectivement. Ah. Gino, on s'en reparle au courant de l'année. C'est sûr que là, on va faire le tour un peu des équipes. On va aller voir ce qui se passe dans Forestville et dans Charlevoix également la semaine prochaine. Ah, t'es chanceux, puis Forestville, ça va être plaisant. Puis Charlevoix, c'est quel beau royaume. J'ai tellement hâte d'aller là, comme chez vous à Delbeau. Ouais. En tout cas, Danny, écoute, je te dis salut, puis continue ton bon travail. Ben, merci. J'aime bien en terminant, j'aime bien tes joueurs des expos. Tu me rappelles énormément des bons souvenirs. Aujourd'hui, j'ai vu Ross Grimsley. Ouais. J'ai peur que ça arrive. Et demain, au courant de l'année, ben, ça va être les Nordiques et les Canadiens, puis on va continuer avec les Blue Jays et les Saguenayens aussi. Ça va être pas mal de fun. Ah, ben moi, mon équipe préférée, c'est Blue Jays. Mets-moi-en des joueurs, mon mari. OK, ben voilà. Donc, Gino Gagnon, l'instructeur-chef de l'équipe senior de Jonquière.